Voilà, premier titre de Marie Laforêt. Alors oui, bien sûr, là, il faut que je m'occupe de plusieurs boutons. Je suis perdu. Non, Julia qui est à côté de moi. Non, j'ai juste oublié de vous dire, n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages sur nos pages Facebook respectives, donc Radio Guimauzo et puis Jimougel officiel. Et bien sûr, je vous attends au standard, au 03 29 62 40 40. Alors, Marie Laforêt, de son vrai nom, alors là, il faut que je m'applique, Maïtena Doumenac, donc de son vrai nom, est née le 5 octobre 1939 à Soulac-sur-Mer, en Gironde. Adolescente, lorsqu'elle arrive à Paris avec sa famille au lycée, elle découvre le théâtre et à 16 ans joue les fausses confidences de Marivaux pour un spectacle de fin d'année. Étudiante, elle accompagne sa sœur Alexandra à un concours de théâtre, Naissance d'une étoile, organisé par Europe 1. Elle s'inscrit initialement pour se libérer d'une certaine timidité, comme moi. À sa grande surprise, la jeune fille remporte le concours et un rôle dans le prochain film de Louis Malle. Le projet de film est finalement abandonné, mais Marie Laforêt décroche un rôle dans Plein Soleil, en 1960, de René Clément aux côtés d'Alain Delon et de Maurice Ronet. Ses débuts au cinéma sont prometteurs et rapidement elle obtient de nombreux rôles. Notamment en 61, ce film La fille aux yeux d'or. Donc Marie Laforêt portera toujours ce nom, La fille aux yeux d'or. Voilà, c'est vrai qu'elle avait des beaux yeux. On écoute une deuxième chanson donc, de Marie Laforêt. Alors, qui est sortie en 1972 et qui s'intitule Viens, viens. Viens, viens, c'est une prière. Viens, viens, pas pour mon père. Viens, viens, reviens pour ma mère. Viens, viens, elle meurt de toi. Viens, viens, que tout recommence. Viens, viens, sans toi l'existence. Viens, viens, n'est qu'un lourd silence. Viens, viens, qui n'en finit pas. Je sais bien qu'elle est jolie cette fille, que pour elle tu en oublies ta famille. Je ne suis pas venue te juger, mais pour te ramener. Il paraît que son amour tient ton âme. Crois-tu que ça vaut l'amour de ta femme, qui a su partager ton destin sans te lâcher la main? Oh, viens, viens, maman, au septembre, viens, viens, repeins la chambre. Viens, viens, comme avant semble. Viens, viens, vous y dormirez. Oh, viens, viens, c'est une prière. Viens, viens, pas pour moi mon père. Viens, viens, reviens pour ma mère. Viens, viens, elle meurt de toi. Sais-tu que Jean est rentré à l'école? Il sait déjà l'alphabet, il est drôle. Et quand il fait semblant de fumer, c'est vraiment ton portrait. Oh, bien, bien, c'est une prière. Bien, bien, tu souris mon père. Bien, bien, tu fais. Yeah. Voilà, deuxième titre qu'on vient d'écouter de Marie Laforêt. Et viens, viens, titre donc 1972. Actrice populaire, elle multiplie les collaborations tout au long de sa filmographie avec Édouard Molinaro, Claude Chabrol, Georges Doutner, Henri Verneuil. C'est des noms très connus, hein, dans le cinéma. En 1987, elle tourne Fucking Fernand sous la direction de Gérard Mordilla. Elle reçoit une nomination au César de la meilleure actrice dans un second rôle. Durant la décennie 90, l'actrice tourne pour les cinéastes italiens. Et sur les planches, l'actrice s'illustre dans le rôle de Maria Callas en 1999 à l'affiche de Masterclass, qui lui vaut une nomination au Molière de la meilleure comédienne. Parallèlement, Marie Laforêt entame une carrière de chanteuse. On a déjà bien sûr entendu deux titres. Dès la fin des années 50, en 63, elle remporte un énorme succès avec le titre Les Vendanges de l'amour, que l'on vient d'écouter. Entre 64 et 79, elle publie une douzaine d'albums aux sonorités parfois folkloriques. Puis après une éclipse de plusieurs années, elle publie un nouvel album en 1993, intitulé Reconnaissance, dont elle signe certains textes. Le 2 novembre 2019, Marie Laforêt meurt à l'âge de 80 ans en Suisse. On écoute un troisième titre de Marie Laforêt, Il a neigé sur Yesterday. Marie Laforêt, première gaguette de Marie Laforêt, donc de 1978. Vous l'aurez compris, c'est une chanson hommage aux Beatles. Voilà pour ce humble hommage à Marie Laforêt. Nous allons maintenant passer sur la rubrique nouveauté et coup de cœur. Alors, une fois n'est pas coutume, et j'ai voulu me faire un petit peu plaisir. Je vais vous expliquer pourquoi. On va entendre un petit air d'accordéon. Bon, je ne veux pas empiéter sur l'émission de Cyril, hein, bien sûr, du samedi matin. Mais voilà, mon accordéon, j'étais un petit peu bercé dedans aussi, moi. Alors, voilà, c'est... Et puis en fait, c'est une belle artiste, une belle accordéoniste que j'ai eu l'occasion de rencontrer sur 1-2-3 danser à la Croisette des Rivales il y a quelques temps. Donc il y avait France 3 qui filmait, ils font ça deux fois dans l'année, je crois. Et puis nous avons un petit peu parlé, tout ça, et nous l'aurons prochainement en phoneur. Voilà, je me disais, tiens, un petit peu d'accordéon, hein, ce serait pas mal. Alors voilà, elle s'appelle Elodie Genoux. Moi, je suis assis. Elle nous interprète. Terminion, c'est l'accordéon. Terminion, c'est la fête de l'accordéon. Chaque soir, les flonflons, les chansons, c'est notre passion. Terminion, c'est la fête de l'accordéon. Les vacances fin janvier, c'est la joie et le bonheur assuré. Des ritournelles, des tarentelles, des valses musettes, des passos d'or, des boléros, et danse le tango. Ce festival au mois de janvier, on est tous invités. Tous ces beaux airs d'envie de danser et surtout de s'amuser. Chaque soir, les flonflons, les chansons, c'est notre passion. Terminion, c'est la fête de l'accordéon. Les vacances fin janvier, c'est la joie et le bonheur assuré. Sous les flocons, on boit l'apéro. Et puis le vin chaud, Daniel et Pollux nous font la promo dans l'émission radio. Après le ski, on chante à tue-tête dans tous les restos. Et les vacances se prolongent en chanson avec l'accordéon. Voilà, Elodie Genoux, que nous découvrirons bientôt sur les ondes de Radio Guémozo. Alors, maintenant, on va écouter le duo Anaïs et Fabien. Donc, une chanson de leur nouvel album « Les yeux de l'amour ». Et ce titre s'intitule « On n'oublie jamais ». Je n'oublierai pas le son de ta voix, le premier baiser qu'on a échangé près d'un feu de bois. Je n'oublierai pas tes yeux posés sur moi, premier rendez-vous, premier mot d'amour blotti dans tes bras. On n'oublie jamais, on n'oublie jamais un premier baiser, un premier amour, des mots de velours gravés à jamais. On n'oublie jamais, la toute première fois. Regard échangé à la fin d'un été, la douceur de sa voix. On ne peut oublier tous ces moments-là. On ne vit qu'une seule fois, la première fois. Je n'oublierai pas cette lettre de toi qui parlait d'amour, qui parlait de toujours. Je la relis parfois. On n'oubliera pas cette chanson-là. Elle nous rappelle encore que l'on s'aime aussi fort que la première fois. On n'oublie jamais un premier baiser, un premier amour, des mots de velours gravés à jamais. On n'oublie jamais la toute première fois. Regard échangé à la fin d'un été, la douceur de sa voix. On n'oublie jamais un premier baiser, un premier amour, des mots de velours gravés à jamais. On n'oublie jamais la toute première fois. Regard échangé à la fin d'un été, la douceur de sa voix. Voilà donc Anis et Fabien. S'ils sont à l'écoute, toutefois, je leur fais un petit bisou, bien sûr. Et puis, bien sûr, vous avez entendu lors de chacun de mes émissions, je vais y arriver, mon générique, c'est donc de Anis et Fabien. Je les remercie encore. Alors maintenant, vous allez écouter Bernard Bourgeois. Un artiste, je ne sais plus de quelle région il est, mais bon, c'est pas grave. Donc Bernard vient de sortir un album, Émotion en chanson, et là il fait une très belle reprise de la chanson de Joe Dassin, Ça va pas changer le monde. Alors Bernard sera aussi en fauneur avec nous. On attend la date, il sera bientôt en fauneur parce qu'il habite loin. Quoique non, il vient des fois en vacances dans les Vosges, alors peut-être qu'on aura l'occasion de l'avoir en live. Donc on écoute Bernard Bourgeois sur Ça va pas changer le monde. Tu es parti, et pourtant tu es encore ici. Puisque tout me parle de toi, un parfum de femme, l'écho de ta voix, ton adieu, je n'y crois pas du tout, c'est un au revoir, presque un rendez-vous. Ça va pas changer le monde, il a trop tourné sans nous. Il pleuvra toujours sur Londres, ça va rien changer du tout. Qu'est-ce que ça peut bien lui faire, une porte qui s'est refermée. On s'est aimé, n'en parlons plus, et la vie continue. Ça va pas changer le monde, que tu changes de maison. Il va continuer le monde, et il aura bien raison. Les poussières d'une étoile

Alors ensuite, nous allons écouter une artiste que j'ai eu le plaisir aussi d'avoir en fauneur sur notre sur nos ondes. Perrine Henry, voilà une jeune artiste qui a une belle petite carrière, qui démarre bien sa carrière, qui a une belle voix et j'aime bien Perrine. C'était un rayon de soleil sur nos ondes aussi. Je dis pas ça à toutes les dames, hein, mais bon, c'est vrai que. Non, voilà Perrine, je redeviens sérieux. Perrine nous interprète ce titre Loin. Voilà, Julie Zenetti nous sort un album bientôt, et ce titre donc est extrait de cet album qui s'intitule Blanc. Donc on vient d'écouter tout est... Donc si je dis des bêtises, ouais, je dis des bêtises. Non, c'était Perrine Henry. Voilà, je suis désolé. Ça va aller, ça va aller. Voilà, on va plutôt maintenant écouter Julie Zenetti. Donc je disais qu'il va sortir un album intitulé Blanc, et c'est un extrait donc ce single qui est intitulé Tout est plus pop.

Hélas, parfois la vie sépare les amoureux qui, comme nous, ont toujours cru que leur histoire était plus forte que tout. Rien ne sera plus comme avant, elle sera dure la vie pour moi. Chaque minute, chaque seconde, je garderai l'envie de toi. Rien ne sera plus comme avant, difficile de tout effacer. L'amour construit jour après jour d'une douce complicité. S'en aller. Comment c'est dans ta nouvelle vie? Est-ce que tu penses à moi? Dis-tu les mêmes phrases à celle qui t'a pris de mes bras? Mais je crois en mon étoile et j'ai mes souvenirs encore à croire que tout n'est pas fini. Un jour viendra où, comme avant, tu te rapprocheras de moi. Chaque minute, chaque seconde, je serai toujours là pour toi. Le jour viendra où, comme avant, tu comprendras. Voilà, Natasha Bellman, donc, avec ce titre « Comme avant ». Alors maintenant, nous allons repartir un petit peu sur les routes du Québec, je dirais, avec rock voisine, du Canada. Parce qu'il faut dire Canada maintenant, m'a-t-on dit. Je sais pas. Alors, rock voisine a sorti un nouvel album intitulé « Americana 10 ». Il avait fait plusieurs albums Americana, voilà. Je pense que c'est un best-of. Aline me corrigera si je dis des bêtises, voilà. Avec de belles chansons. Et là, j'ai choisi ce titre, donc de rock voisine. Il va falloir que je m'applique avec mon anglais. Take me home, country road. C'est pas mal, hein? Yes. Yes. Alors c'est parti, c'est parti. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home. My memories Voilà, rock voisine, c'est pas mal, Lia. Hein, qu'est-ce que t'en penses? C'est super, hein? Quelle voix! Voilà, quoi, donc une chanson country. Hein, je sais pas si t'avais reconnu la chanson. Si, c'était repris par Dick Rivers. Hein, voilà, faire un pont pour de bon. Alors maintenant, nous allons entendre le frère de Frédéric François, Santa Baracato, que j'ai eu le plaisir de recevoir aussi en live. Tu vois, hein, c'est la classe. Dans nos studios. Voilà, et Santo, je ne sais pas s'il a l'écoute, je lui fais un petit coucou. Il a eu la gentillesse de m'envoyer son nouvel album. Et j'ai choisi dans cet album, c'est ce nouvel album de Santa Baracato. Je n'ai pas le titre de l'album, je n'ai pas dû noter, je ne sais pas. Mais on écoute. On va écouter la Chica Bomba. Elle fait tourner la tête aux hommes sous sa robe de dentelle. On devine des formes sensuelles. Ma sirène sorceleuse, mon trésor, tu es ma pierre précieuse. Quand tu danses et que tu te balances, j'oublie tout, tu es ma délivrance. Les gens l'appellent Chica Chica Bomba, Chica Bomba, Chica Bomba. Les gens l'appellent Chica Chica Bomba, Chica Bomba, Chica Bomba. Elle a les yeux et les cheveux d'un ange. Peu importe ce qu'on rapporte, elle est la femme qui me fait rire aux larmes. Les gens l'appellent Chica Chica Bomba, Chica Bomba, Chica Bomba. Les gens l'appellent Chica Chica Bomba, Chica Bomba, Chica Bomba. Voilà, Santo Baracato, Chica Boom. Alors maintenant, on va passer donc Christian Delagrange avec ce titre bien rythmé. C'est une belle chanson, Couleur Lumière. Pas cette couleur-là. Hey, Christian Delagrange, Couleur Lumière. Une belle chanson aussi, avec un beau texte, hein, sur, bien sûr, sur les couleurs des personnes. Hein, voilà, on est tous pareils, on est tous égaux. Alors, maintenant, on va écouter Johnny Hallyday. Il y a un album qui est sorti dernièrement. C'est-à-dire que c'est Yvan Cassar qui a tourné 10 ans avec Johnny sur scène. Ils ont choisi quelques titres de Johnny, ils l'ont rhabillé, en fait ils ont enlevé tous les instruments, et ils l'ont rhabillé d'une façon symphonique. Et ils ont sorti donc cet album intitulé tout simplement Johnny. Voilà, et je trouve que c'est pas mal parce que on sait que Johnny avait une belle voix, mais ça ressort, je crois, encore la voix de Johnny Hallyday. Donc on écoute Vivre pour le meilleur. Gens qui cherchent la lumière en pleine nuit, les gens qui courent après l'amour mais qui le fuient, des bras qui se lèvent pour un Dieu qu'ils ne voient pas. Moi j'ai ta chair contre ma chair, en ça je crois. Et des femmes qui pleurent leurs enfants et restent dignes. Toi, tu me rends plus fort chaque jour, sans Dieu ni loi. Et quand nos corps se font l'amour, je sais pourquoi. Voilà, donc Johnny Hallyday, c'est pas mal, Lia. Qu'est-ce que t'en penses, hein? Ah bah la version symphonique avec le petit bout de violoncelle derrière, moi je craque. C'est voilà. Pas mal, hein, c'est pas mal, c'est vrai, c'est vrai. Alors voilà, on va écouter maintenant Michel Sardou. Alors Michel Sardou vient de sortir un coffret, ses 100 plus belles chansons. Voilà, oui, oui. Donc Michel Sardou avait annoncé qu'il ne ferait plus de scène, qu'il ne ferait plus de chansons, mais qu'il se consacrerait au théâtre. Ah. Mais là, il est sorti un coffret. Bon, tu sais, c'est la fin d'année, hein. C'est bientôt les fêtes. Bon, les petits cadeaux, tout ça. Voilà. Non, mais c'est pas mal. Enfin, je sais pas si Marc qui nous écoute, mais je sais que Marc n'aime pas trop Michel Sardou. Il faut que je lui fasse à chaque fois. Voilà. Donc là, on écoute. Alors, ce coffret s'intitule l'album de sa vie. Et sur ses CD, il y a une chanson qui est intitulée l'album de sa vie. Donc, on écoute cette chanson. Elle et lui, auprès d'un landau, son père qui sourit, la fille qu'on voit de dos, sa meilleure amie. Elle faisait semblant de ne pas se croire jolie. Elle encore, sur le Saint-Laurent, ce deuxième enfant qu'il voulait si fort. Ce deuxième enfant, elle le désire encore. Elle et lui, un vieux parasol, une plage de Normandie. La photo est floue, son cœur aussi. Sa vie, toute sa vie, ce qu'elle a aimé, ceux qui sont partis. Sa vie, toute sa vie, est dans un album en cuir simili. Des sourires posés, des prénoms qu'elle oublie. Qu'elle fêtait sans lui cette chambre à part où elle n'a pas dormi. Elle enfin, un soir de Noël, autour d'un sapin, la dernière querelle, celle qui va trop loin. Les mots qui font mal sont les mots de la fin. Elle s'ennuie, la photo parfaite de l'amour qui trahit. Elle s'arrête sur l'album de sa vie. La défaite est quelquefois jolie. Voilà Michel Sardou, l'album de sa vie. Je vous conseille son coffret, il y a des très belles chansons. Voilà toute sa carrière à Michel Sardou. Nous allons retrouver maintenant Christian Vidal. Alors Christian Vidal, nous avions fait une émission le 1er novembre. Il était venu de Belgique, chez nous, en studio. Tu vois, le 1er novembre, c'était vraiment, vraiment sympa. Bien sûr, le 1er novembre, chez nous, c'est férié. Puis je remercie aussi Marc. Marc était venu voilà, spécialement. C'est sympa. Mais quand ils viennent de là-bas, quand même, c'est vrai que voilà, c'était. On a fait une bonne émission avec Christian Vidal. Et puis, voilà, donc, on va réécouter une chanson de son dernier album. Alors oui, je voulais préciser le titre de l'album de Santa Baracotto, c'est « Je vis qu'à moitié ». Merci le Québec. Alors, on écoute maintenant Christian Vidal, « Ensemble pour l'amour ». Ne faut-il pas se demander si l'homme relie ses regrets à tout ce qu'il fait? Ne faut-il pas se demander s'il a eu tort ou bien raison d'être aussi con? Car on dansera toujours sur toutes les tragédies, sur toutes les mélodies qu'on réinvente à jamais. Ensemble pour l'amour, on révisera nos cours de baisers doux, on restera ensemble, dit. Ensemble, dit. J'esquisserai le bleu, audacieux, très amoureux, on dormira ensemble, dit. Je fermerai les portes des adieux, j'épouserai les lignes de terrain, je serai pour le moins celui qui te fera l'amour de nuit en nuit, de jour en jour, on vieillira ensemble, dit. Ensemble, dit. Comme c'est facile de te parler et puis même d'imaginer qu'on pourra vivre ensemble. Mes mots s'arrêtent là, devant l'ordinateur. Ce que te dit mon cœur, jamais ne te parviendra. Tu n'es pas libre de choisir, tu n'es plus libre pour m'écrire qu'on pourrait vivre ensemble. Ensemble. On dansera toujours sur les tragédies d'amour. Christian Vidal, voilà, Ensemble pour l'amour. Alors maintenant, un grand romantique, j'aime bien moi, Franck Michael, le crooner de ces dames aussi, hein, bien sûr, qui sort un nouvel album demain. Ah ouais? Demain, il sort son nouvel album. Je suis en train de faire peur à l'IA, là. Elle me regarde, me dit, qu'est-ce qu'il fait, là? Donc, on va écouter cette chanson. Donc, c'est un single qui est paru avant la sortie de l'album, hein, parce que je l'ai, l'album, mais je n'ai pas le droit de diffuser. Hein. C'est le 15, c'est le 15, hein, ah, tu oui. peux pas, il faut respecter. Voilà. Et donc ce titre, c'est « Il faut y croire ». On écoute Franck Michael, « Il faut y croire ». J'ai traversé des épreuves, ma barque a connu sur son fleuve des jours de tempête et de peur, des soirs qui pleurent. J'ai comme vous des blessures qui ont meurtri mon armure, mais toujours en secret, une voix calme et sûre disait qu'il faut y croire, même quand l'espoir paraît perdu. Derrière le voile brille une étoile inattendue. Et confiance en elle, c'est une amie fidèle. Il faut y croire, même quand on n'y croit plus. Tant de chagrin et d'ennui brisent nos lignes de vie, mais au fond de nos âmes il subsiste une flamme qui dit il faut y croire, même quand l'espoir paraît perdu. Derrière le voile brille une étoile inattendue. Et confiance en elle, c'est une amie fidèle. Il faut y croire, même quand on n'y croit plus. Voilà, Franck Michel, il faut y croire. Son nouvel album, qui est intitulé Un grand amour. Oh, ça dit beaucoup, beaucoup de choses, qui sort demain. Voilà, mesdames. Alors, nous allons écouter maintenant Lonnie Warner. Donc, Lonnie, si tu es à l'écoute, voilà, je te fais un petit coucou, et puis de la part de toute l'équipe. Voilà, merci de nous avoir envoyé cette belle chanson. Ce titre qu'on va écouter sort de ce silence. Voilà, Lonnie Warner. De violence pour un verre de trop, et l'amour devient salaud. De ta gaieté en insolence, rythme cette violence envers celle que tu as aimée. Parce qu'un jour elle a voulu t'aimer. Souviens-toi de ses douleurs, juste parce qu'un jour tu as fait battre son cœur. Sors de ce silence, si seulement sa violence soit sa propre souffrance. Tu m'y fais battre un cœur sans coup ni douleur. Du verre brisé sans rupture, des mots sans armure. Femme n'est pas souffre-douleur. Femme est le refuge de ton cœur. Une jalousie macho, parce que c'est toi le salaud. Te donner tous les droits, juste parce que le mal c'est toi. Oui, mais sans une circonflexe,

pacifique. Toutes ces paroles, je les connaissais par cœur, comme un symbole de liberté avant l'heure. Los Angeles assombrissait toute sa peau, et notre adresse n'était déjà plus son tempo. Un beau matin, elle est partie sans rien dire. Seul ce refrain pleure dans mes souvenirs. Baila, baila, mi amor, y baila, sèche mes larmes et danse avec le vent. Siempre, siempre, mañana, por siempre, veilleras-tu sur mes regards d'enfant. Baila, baila, mi amor, y baila, souris-moi, à deux, tout est possible. Siempre, baila, por siempre, mañana. Tu m'aides à être libre. Baila, baila, mi amor, y baila, toutes les larmes s'envolent avec le vent. Siempre, siempre, mañana, por siempre. Je veillerai sur tes regards d'enfant. Baila, baila, mi amor, y baila, souris-moi, même loin tout est possible. Siempre baila, por siempre, mañana, je t'aiderai. Jean-François Valence, baila, baila. Voilà, Jean-François, si tu es à l'écoute, je te fais un petit bisou ainsi qu'à Camille. Voilà, l'émission se termine tout doucement, voilà. Il est 17h26, on a encore le temps d'un petit morceau, Lia, ouais. Alors, voilà, donc, un artiste qui vient d'Allemagne, Franck Galland, qui, dans son dernier CD, fait un hommage à Julio Iglesias. Bon, Julio Iglesias est toujours là, hein, est toujours là. Mais j'aime bien, c'est de la variété allemande, c'est romantique. Donc voilà, j'espère que pour nos amis qui sont pas loin, enfin pour l'Alsace, pour voilà, et puis je voulais faire plaisir. Voilà, donc Franck Galland avec ce titre Kein Adieu, Kein Goodbye. On écoute. Kein Adieu, kein Goodbye. Gibt es jemals für uns zwei? Ich weiß, du glaubst nicht daran, dass ich für immer treu sein kann. Doch das ist mir einerlei. Eines Tages wirst du es sein. Und liebst mich von ganz allein. Denn so eine bin ich nicht, der wenig hält und viel verspricht. Da kannst du ganz sicher sein. Ich geb ja zu, dass ich im Leben nie ein Unschuld Engel war, doch nun kommst du. Und da wird mir auf einmal klar, kein Adieu, kein Goodbye. Gibt es jemals für uns zwei? Ich will keine andere mehr, ich geb dich niemals wieder her und bleib dir für immer treu. Lei, lei, lei, lei. Lei, lei. Kein Goodbye. Gibt es jemals für uns zwei? Ich will keine andere mehr. Ich geb dich niemals wieder her und bleib dir für immer treu. Lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei. Ja, wenn wir uns gut verstehen, dann gibt es kein auf Wiedersehen, kein Adieu, kein Goodbye. Franck Gallant, kein Adieu, kein Goodbye. Aucun adieu, aucun au revoir. Moi, pour l'instant, c'est l'heure de vous dire au revoir. Voilà, j'espère que vous aurez passé un bon moment en notre compagnie. Merci, Lia, pour la technique. De rien, Gilou. C'était sympa. On était bien dans la cabine. Là. Voilà, voilà. J'ai fait mes premiers pas. Je reviendrai. Bravo. Donc voilà, amis auditeurs, auditrices, portez-vous bien. Bonne soirée. À bientôt. Bye bye. Dans le cœur, une mélodie en accord majeur, un rythme qui sonne, des mots qui résonnent, un refrain que l'on fredonne. C'est la musique qui nous rassemble, qui nous fait chanter, danser ensemble. Un air de guitare, un piano dans un bar, un musicien qui joue dans le noir. Chantez pour tous ceux qui s'aiment.